Plus le temps passe et plus y'a rien à faire. Au quartier y'a Wellou, nous on respectait les grands. Et les petits frères font les voyous dans le caillou. Ils ont le nez et se prennent pour Superman. Et y'a plus personne pour toi quand la daronne sent super mal. Pour me faire du mal, ils parlent de moi, ils disent des trucs qui sont pas vrais. Si je t'ai trahi, ne m'en veux pas, je suis navré. C'est moi le capitaine, ils veulent faire couler le navire. J'ai pas écouté Samir quand il m'a dit méfie-toi tes amis. Ça fait des années que tu parles de nous, que t'es jaloux. Nous personne nous a raquettés, personne nous a mis à genoux. Ils tous la bite et quand tu meurs, ils parlent de toi, ils te critiquent. Sur la petite, vas-y parler, on te piétine. On a les mains dans la merde, mais elles sont faites pour le diamant. Avant tu me calculais pas, maintenant tu me dis que je suis charmant. Ton poteau peut te la mettre et te faire croire qu'il t'apprécie. Bande d'imbéciles, je vais être précis, mais on nique pas un imbécile. Et maintenant, je reste tout seul, ma famille croit que j'ai pris un coup. Je baisse tout dans le cinéma et pourtant j'ai pas pris un cours. Ouais le cous, me demande pas si ça va, si je me porte bien. Tu fais le voyou avec les gens, après normal tu portes plainte. Je parle pas, mais je sais tout, je viens de loin et je sais d'où. Avec nous, fais pas le fier quand on t'achète avec un pétou. Un 12 pour la sécu, en vrai nous on sait que t'as jamais rien fait, sale mythomane, t'as pas de vécu. Aller-retour en prison, papa était plus présent. J'ai pas honte de le dire, c'était RG, l'homme de la maison. Et je serai reconnaissant, et ça jusqu'à ma mort. Parce que ta mère, c'est ma mère, je te donne raison. Même si t'as tort, les liens du cœur, ça s'achète pas. Je te donne même si j'ai pas. Un jour tu vas me trahir, Allah ou Alain frérot, sachez pas. Des fois je veux tout arrêter, le rap m'a pris toute ma vie. Je peux même plus me balader, tranquille, faire un tour avec ma fille. Dans ma vie, les gens me connaissent. Et puis m'arrête, me dis Kof, t'es un bonhomme. Toi t'es pas comme toutes ces tapettes. Je te remercie frangin, je te jure, des fois c'est dur. Les gens croient que tu pèses des millions alors que des fois les tons sont durs. Mais grâce à Dieu, on avance, on dit hamdoulé malgré tout. Y'a des mecs qui sont bien, qui font comme s'il leur manquerait tout. Le radin n'a jamais tout, le radin se prive de tout. Mais le radin profite quand il traîne avec vous. Quand t'as des sous, tout le monde te suit. Quand t'as pas un, tout le monde te fuit. Quand t'as pas de buzz, jeune rappeur compte pas sur les demandes de feat. Et les flics, je les respecte, mais je respecte pas les balances. Je respecte pas les balances qui te jalousent quand tu avances. Depuis l'enfance, t'as pas cru en moi, maintenant tu nous colles. Tu veux qu'on traîne ensemble, comme si on était les meilleurs potes. À l'époque, on jouait au poc, tout en bas du bloc. Ouais, c'est quoi ton MSN, sinon c'est quoi ton skyblock. À Herbel, c'est là où j'ai grandi. Bâtiment neuf, paire de TN sur les pieds. Pratiquement neuf, quand le daron est parti, j'avais à peu près 17 ans. Je garde ses conseils dans la tête, j'écoute pas ce que dit Satan. La mort d'un proche, ça fait mal, des fois tu te relèves même pas. Ça fait longtemps que j'ai plus de cœur, je comprends pourquoi tu ne m'aimes pas. Et si je t'aime, ne merde pas, Inch'Allah tu ne meurs pas. Je sais qu'ils vont te niquer ta mère et par Allah je me mêle pas. Je sais pourquoi t'es parano, parce que t'as fait des coups de crasse. C'était ton pote et tu lui as mis bien plus qu'un coup de crosse. Roue arrière en crosse, encore un frère qui est décédé. Et on m'a dit que tu nous jalouses parce qu'on va décéder. Musulman est fier de l'être, mais les médias veulent nous salir. Eric veut que tu t'appelles Samuel, mais pas que tu t'appelles Samir. J'ai peur que de Dieu, plus du péage de l'encens. Parce que j'ai bien retenu la leçon. Désolé si des fois je vous dis des choses déplacées. Au moins, moi je suis sincère, frère. Des couteaux dans le dos, voilà pourquoi j'ai tracé. Je les compte même plus, voilà. Je connais pas le futur, mais je connais bien mon passé. J'oublie pas et j'oublierai rien. Et si seulement je pouvais tout effacer. Mais allez, j'ai bien retenu la leçon. Ouais. J'ai bien retenu la leçon. J'ai bien retenu.